paso dans le stade. La gueule comme les malades. J'en puis génétiquement. Le but de la pierre, voilà ce qui nous faut. Des couleurs je défendrai dans tous les stades de la France. Toujours pas assuré. Gagner ou perdre, pas d'importance. Supporter. L'essentiel c'est que tu sois là. Mes couleurs je défendrai dans tous les stades de la France. Toujours prêt à assurer. Gagner ou perdre, pas d'importance. J'ai des écharpes et des tatouages. Le droit de ton club c'est ta pierre d'œil. Tu lui as juré finalité. Aïe. Mes couleurs je défendrai.